Cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La guerre des six jours, Jérusalem dans la tourmente. Le mardi 6 juin 1967, le quotidien Le Monde annonce de violents combats sont en cours entre les forces israéliennes et arabes. Jérusalem et le Caire s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est convoqué d'urgence. Aux États-Unis, le président Johnson demande un cessez-le-feu immédiat. Le journal Le Monde rappelle une petite phrase de Selvin Lloyd, le ministre britannique des Affaires étrangères. « La guerre est un moyen démodé de résoudre les conflits. La guerre est un moyen qui semble ne jamais se démoder. La guerre dure six jours. Comment Jérusalem s'est-elle, se trouve-t-elle encore si divisée ?» Alain Dikov, bonjour. Bonjour. Jérusalem, ville millénaire. Il n'est pas possible de comprendre une période courte, la guerre des six jours, la durée est dans le nom, sans faire un retour en arrière. Si nous nous plaçons à Jérusalem, je ne sais pas moi, en 1929, voilà, nous sommes dans l'entre-deux-guerres. Où sommes-nous? Nous sommes dans quelle ville? Alors nous sommes dans une ville qui est sous administration britannique, puisque la Palestine a échu à l'Empire britannique après la Première Guerre mondiale. Et nous sommes dans une ville qui est composée aussi bien de juifs que d'arabes, avec une majorité de population à l'époque qui est arabe, mais avec aussi des quartiers juifs qui se sont développés depuis finalement assez longtemps, depuis hors les murs en tous les cas, parce qu'il faut bien faire la différence entre Jérusalem avec les murailles de Soliman le Magnifique, donc ça c'est ce qu'on appelle la vieille ville, et les faubourgs, qui évidemment sont une création plus récente, hein, qui date de la fin du 19e siècle, enfin en gros des années 1860-1870, donc avec des quartiers juifs dans un premier temps, mais aussi arabes qui se sont développés. Et avec une, je dirais, dans le juif arabe, oui, mais je dirais dans parmi les juifs, deux catégories de population quand même assez différentes, les juifs très religieux, les ultra-orthodoxes, qui pour une part assez importante étaient déjà là depuis très longtemps, qui constituent d'ailleurs ce qu'on appelle le vieux Yishuv, la vieille population, la vieille communauté, et d'un autre côté des immigrants plus récents, hein, qui sont venus avec les différentes vagues que le sionisme a suscité, surtout depuis le début du 20e siècle, même si, et ça je veux le dire d'emblée, Jérusalem n'est pas la ville des sionistes. C'était la ville des sionistes. Donc Jérusalem, il y a toujours eu une ambiguïté du mouvement sioniste par rapport à Jérusalem. Le mouvement sioniste, justement, par rapport à Jérusalem et à Israël, c'est une construction, il y a une histoire à raconter, c'est une construction qui alors se focalise non pas sur Jérusalem, même si Jérusalem est essentielle, mais pourquoi Tel Aviv? Tel Aviv, c'est la ville nouvelle, hein, c'est la ville qui a été créée de toutes pièces en 1909, hein, à côté de Jaffa, qui était elle une ville arabe et qui était censée représenter justement l'utopie sioniste de l'homme hébraïque nouveau, alors que Jérusalem, évidemment, c'est la ville de la tradition. Alors évidemment, le paradoxe, c'est que le terme même du mouvement national juif, c'est sionisme, et Sion, c'est Jérusalem, d'un point de vue métaphorique. Donc ça, c'est vrai, mais en même temps, dans le rapport à Jérusalem, il y a toujours eu, en tous les cas pendant longtemps, ça a changé par la suite, et je pense qu'on y viendra certainement, parce que dans les années 70, ça a beaucoup changé. Mais au départ, il y a cette ambiguïté. Et par exemple, on sait que quelqu'un comme Ben Gourion, hein, qui a pourtant énormément compté, est allé très très peu au cours de sa vie à Jérusalem. Sauf quand il est devenu, évidemment, chef du gouvernement après la Deuxième Guerre mondiale. Mais sinon, dans les années 20 et 30, il n'y met quasiment pas les pieds, ça ne l'intéresse pas. Oui, c'est une histoire qui est pleine de paradoxes avec nous dans le cours de l'histoire, Catherine Nicot. C'est vrai, si nous sommes à Jérusalem dans l'entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930, il y a plusieurs communautés. Ça se passe bien ? Oui, ajouter que dans les limites municipales définies par les Anglais à la ville de Jérusalem, les Juifs sont majoritaires. Hein. Mais justement, parmi les Juifs, tu as parlé des Juifs, je disais orthodoxes, enfin je sais pas si comment, religieux, et les Juifs laïcs, sionistes. Mais chez les Arabes aussi, il y a deux groupes du point de vue de la religion. C'est les musulmans, bien sûr, qui sont majoritaires dans le groupe, et les chrétiens, qui sont une minorité et qui s'effritent un petit peu parce qu'il y a une émigration des chrétiens de Palestine, comme d'ailleurs d'autres régions du Moyen-Orient, depuis un certain temps, vers le continent américain en particulier. Donc, voilà une chose qu'il faut préciser. Plusieurs communautés. Catherine Nicot, vous êtes auteure d'une histoire de Jérusalem. Et comment sont les relations entre ces différentes communautés dans l'entre-deux-guerres ? Ah, elles sont de plus en plus tendues, on va dire, avec des heurts judéo-arabes très importants, notamment 29, vous avez mis l'accent sur cette date, c'est une date, c'est une inflexion importante dans la mesure où il y a eu des incidents et des morts à Jérusalem, des combats de rue, des choses comme ça, autour du mur en particulier. Ça nous ramène au symbole national religieux que représente Jérusalem, qui est en train de monter dans cette gamme-là. Il y a eu des incidents beaucoup plus graves encore dans d'autres régions de Palestine où des communautés justement de juifs religieux très implantés du vieux Yishuv ont été massacrés à Tzfat, à Hebron, etc. Et ça va faire une blessure vraiment très importante qui va commencer à dissocier, si vous voulez, dans la ville de Jérusalem qui est une sorte de patchwork jusque-là avec des quartiers qui sont pas franchement... Les juifs sont plutôt à l'ouest et les arabes à l'est. Est et au nord, mais il y avait quand même des quartiers un peu aventurés d'un côté comme de l'autre. Il y avait même des quartiers mixtes, comme on dit aussi, hein, qui commençaient à apparaître. Mais là, 29 va aboutir à déjà des implantations juives auxquelles on renonce parce qu'elles sont trop exposées, etc. Voilà, c'est vraiment des relations très tendues et qui commencent également le projet que les Anglais avaient en tête de faire une ville de la paix, de l'harmonie, etc., ça commence à s'effriter. Ils ne veulent pas encore y croire que ce rêve ne se réalisera pas. Mais néanmoins, il a du plomb dans l'aile déjà depuis ce moment-là. Jérusalem, dès l'entre-deux-guerres, est une ville où naît ce conflit entre les Juifs et les Arabes. Car dans cette histoire de Jérusalem, il est possible de faire des sauts dans le temps. Nous étions en 1929, maintenant petit saut dans le temps, 1947. En Palestine, la situation s'est brusquement dramatisée. La population arabe s'est violemment émue de la décision de l'ONU tendant à partager la Palestine entre juifs et arabes. Aussitôt, des troubles ont éclaté et des incendies ont ravagé les quartiers juifs de Jérusalem. Malgré l'intervention des troupes britanniques, la population des quartiers menacés a fui parfois de sanglantes manifestations. Les actualités françaises en décembre 1947, Alain Dicoff, Jérusalem 1947. Alors, nous sommes dans quelle ville ? Quel est déjà le statut de Jérusalem ? Alors bon, en 47, ce sont donc toujours les Britanniques qui sont là, mais la nouveauté, c'est que ils vont partir. Et que, en particulier, l'ONU a adopté, à la fin du mois de novembre 1947, la résolution sur le partage de la Palestine, qui donc partage l'ancienne Palestine mandataire, enfin de ce qui est encore la Palestine mandataire pour quelques mois, en un État juif qui est pour l'essentiel concentré sur la plaine côtière et le nord du pays, et un État arabe pour le reste, en grande partie ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, avec un statut particulier pour Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le corpus separatum, c'est-à-dire un statut vraiment spécifique du fait, évidemment, du caractère particulier de cette ville qui est, c'est vrai, est liée au judaïsme, au christianisme, bien évidemment, et aussi à l'islam. L'idée qui, je dirais, d'un point de vue purement théorique, fait sens, c'est de dire, ben oui, à une ville aussi particulière, il faut trouver un statut particulier, donc ce fameux corpus separatum. Sauf que ça ne marchera pas, parce que cette solution en fait est bouleversée par la guerre, parce que dès que la résolution est adoptée, en réalité, à toute l'échelle de la Palestine, les heurts entre juifs et arabes commencent, et finalement aussi à Jérusalem. Donc il va commencer à y avoir des violences entre les deux groupes dès le mois de décembre 1947, et progressivement, ben voilà, la guerre va se poursuivre tout au long de l'année 48, mais donc après même la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, et finalement on va arriver à une situation de facto, c'est-à-dire que la ville va être divisée entre un secteur juif à l'ouest et un secteur jordanien arabe à l'est, avec la vieille ville du côté jordanien. Voilà. La Cisjordanie, effectivement, est sous domination jordanienne, avec Jérusalem. Catherine Nicot, alors bien sûr, aujourd'hui nous connaissons, je ne dis pas la fin de l'histoire, parce que l'histoire n'est pas terminée, mais nous savons l'évolution. Si nous nous situons en 1947, du point de vue juif ou du point de vue arabe, tous les avenirs sont possibles. C'est en quoi les enjeux sont très forts. Il faut agir pour conserver cette ville. Il faut déjà savoir si c'est effectivement la division de Jérusalem est le produit d'un engrenage guerrier, ou s'il y avait déjà des projets liés à la façon dont on envisage l'internationalisation proposée par l'ONU. Hein. En réalité, l'historiographie a beaucoup développé l'idée que du côté israélien, il y avait des partages d'opinions, tout le monde n'était pas prêt à aller contre la volonté internationale. Bon, c'était compliqué à l'intérieur de l'équipe gouvernementale, pas encore tout à fait gouvernementale, mais pré-gouvernementale. En revanche, il y a une grosse historiographie sur le fait que le roi Abdallah de Jordanie, ce qui n'était pas encore roi d'ailleurs, qui était l'émir de Abdallah, avait vraiment l'intention très ferme d'annexer Jérusalem, ou en tout cas de se la partager, pas d'internationalisation, mais une délimitation entre Israéliens qui étaient les plus forts sur le terrain et eux. Hein, donc c'est très important de souligner ce fait déjà. 1949. À l'ex-success, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter l'admission de l'État israélien au sein de l'ONU. Malgré l'opposition de l'Égypte et l'abstention de la Grande-Bretagne, Israël, désormais 59e membre de l'organisation, voit ainsi son existence confirmée sur le plan international. L'admission d'Israël à l'ONU en 1949. Il y a la Jordanie, il y a Israël. Les regards sont différents, évidemment, sur cette ville. Pour les Jordaniens, Catherine Nicot, vous nous en parlez. Israël est une ville de Jordanie. Est-elle considérée comme une ville nécessaire, essentielle, principale? Est-ce l'objectif? Non, si vous voulez, le roi Abdallah avait qui est devenu roi en 1950, avait le plus petit royaume. Il était très complexé, si j'ose dire, par rapport aux souvenirs de son frère Faisal, etc. Et donc, il voulait vraiment agrandir son royaume. Mais la ville de Jérusalem, en tant que telle, lui posait plus de, elle était importante pour ce que je viens de dire, pour son prestige. Mais en même temps, il voulait pas en faire une ville, et en tout cas pas sa capitale. Il avait une capitale, Amman, qui était plus centrale, plus à la lisière du désert et des bédouins qui constituaient l'assise de son régime. Et il voulait absolument pas donner une importance cruciale à cette ville, et surtout pas en faire ce qu'elle avait été dans les années 30 et que les Anglais avaient décapité en quelque sorte, la capitale du nationalisme palestinien. Les Palestiniens étaient un facteur d'agitation, de trouble pour le royaume. Donc pour eux, c'était une ville à tenir sous cloche et en faisant très attention, d'autant plus que, je le rappelle, le roi Abdallah a été tué, assassiné par un jeune Palestinien sur le mont des mosquées en 1951. Et que son petit-fils et héritier n'aime pas non plus se souvenir de cette ville où il a failli lui aussi être assassiné ce jour-là. Vous voyez, tout ça fait que il y a une sorte d'attitude un peu ambiguë vis-à-vis de la ville de Jérusalem. Pour les Israéliens, où le sioniste sont maintenant gouvernent le pays, en tout cas certains partis sionistes, ça ne peut être que la capitale de l'État d'Israël, même si c'est une ville frontière. Oui, parce que il y a ça aussi, hein. Il y a de la géographie. On est avec une ville frontière. Alain Dikoff, nous l'entendons bien pour les Jordaniens méfiants sur Jérusalem parce que ces Palestiniens peuvent être facteurs de troubles pour le pouvoir. Et alors, du côté d'Israël, Jérusalem comme une évidence pour être capitale? Oui, oui. Alors parce que la dimension symbolique, elle compte quand même beaucoup. Dès 1950, le gouvernement va déclarer que Jérusalem est la capitale de l'État et elle va renforcer finalement tout le potentiel qui existe à Jérusalem, c'est-à-dire que tous les ministères, à l'exception du ministère de la Défense qui reste à Tel Aviv, vont se retrouver à Jérusalem Ouest. Le président de l'État s'y installe. Les grandes institutions comme le musée d'Israël va être créé sur une des collines qui est en face du Parlement. Yad Vashem, hein, le mémorial de la Shoah va aussi être construit à Jérusalem Ouest. Donc en fait, les choses les plus importantes d'un point de vue politique et symbolique se trouvent désormais à Jérusalem-Ouest. Et on voit très bien la différence aussi en termes, je dirais, de planification urbaine entre les deux parties de la ville, l'Est et l'Ouest. Parce que l'Ouest, déjà, c'est 38 km². L'Est, la Jérusalem, donc jordanienne, c'est 6 km², c'est tout petit. Il y a très peu d'investissements de la part des Jordaniens. Alors que du côté israélien, à l'inverse, il y a une vraie volonté de développer, et surtout parce qu'on est dans un cul-de-sac. Donc, il y a quasiment pas de passage entre les deux. Alors, il y a une porte qu'on appelait la porte, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, la porte Mandelbaum, mais qui permettait juste le passage de quelques religieux, de quelques diplomates, c'est tout. C'était même pas à Berlin Est et Ouest où il y avait quand même des populations civiles qui passaient. Ça, non. C'est complètement hermétique. Mais malgré ça, il y a un gros effort d'infrastructure qui est fait, au niveau route, au niveau, pour vraiment lier la ville au reste du pays. Côté israélien, alors c'est pas le cas côté jordanien, Catherine Nicot, d'ailleurs, comment se matérialise cette séparation? C'est une sorte de plaie béante avec des zones de no man's land qui sont abandonnées ou qui sont des lieux d'infiltration et donc d'incursions militaires aussi. Il y a une grande zone démilitarisée dans le sud où sont les organes de l'ONU qui sont concernés par Jérusalem sont installés. C'est plutôt une zone no man's land, mais avec des zones plus problématiques que d'autres parce que il faut revenir à la façon dont cette ligne a été tracée. En fait, elle a été tracée en novembre 48, si mes souvenirs sont bons. Tout simplement, j'allais dire sur le haut d'un tank par Dayan, qui était le commandant en chef dans cette région, et le général Al-Tal, qui était le Jordanien, le chef de la Légion arabe en fait. Et si vous voulez, ils ont tous les deux pris un crayon gras de différentes couleurs et pour tracer la ligne de démarcation, qui est une ligne de front, si vous voulez. Mais ils ont hésité. D'abord, il y a la largeur, l'épaisseur du trait, qui ça peut faire 3-4 mm, et sur le terrain, ça fait 60 à 80 mètres. Bon, ben, ça peut importer. Hein. Et ensuite, quelquefois, ils ont zigzagué, vous voyez, ils ont hésité, il y a des sortes de zones hachées. Donc, il y a des incertitudes sur cette ligne, et donc, il ne faut pas imaginer un mur, si vous voulez, ou des barbelés. Il y en a un peu de temps en temps, mais c'est pas continu, si vous voulez. Voilà. Et je voulais ajouter à propos de la porte Mandelbaum, il y a quand même quelques traversées, si j'ose dire, régulières. Tous les 15 jours, c'est les Israéliens qui ont le droit de ravitailler et de relever la garnison qui est sur le Mont Scopus. C'est l'ancienne université qui est en zone jordanienne, mais qui ne peut plus avoir son rôle d'université. C'est juste une position qu'on tient. Et il y a, à Noël, il y a certaines familles chrétiennes qui sont favorisées d'un passage pour aller prier et passer la messe de Noël au Saint-Sépulcre. Alain Dikoff, c'est la situation de Jérusalem au début de l'année 1967, celle que nous décrivons là, une ville divisée en deux avec un côté israélien qui bénéficie d'investissements, un côté jordanien beaucoup moins. C'est ça, hein, c'est ce panorama-là. Oui, absolument, absolument, c'est tout à fait ça. Et justement, 1967 est une date de rupture évidente dans cette ville déchirée. 1967, c'est la guerre. « 5 juin à l'aube, les avions israéliens foncent sur les objectifs militaires d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. Du même coup s'évanouit tout espoir d'un règlement pacifique de la tension qui règne depuis plusieurs semaines au Proche-Orient. Agression caractérisée, disent les Arabes, riposte préventive, rétorquent les Israéliens. Nos radars ont décelé la présence d'une force aérienne ennemie en route pour Tel Aviv. En 3 heures, l'aviation arabe sera anéantie. L'équilibre des forces étant brutalement rompu en sa faveur, l'armée israélienne entre en action dans le Sinaï. Une première colonne isole la bande côtière de Gaza, une autre prend la direction de l'ouest. Objectif lointain, El Kantara et le canal de Suez. Objectif immédiat, la ville et le camp d'El Arish. Dans le désert, les blindés égyptiens immobilisés définitivement sont nombreux. L'extrême mobilité des forces israéliennes et l'effet de surprise ont été décisifs. Dans les actualités françaises en 1967, au mois de juin, bien sûr, cette guerre. Alors, nous entendons tous les objectifs qui sont décrits dans ce journal. Catherine Nicot, pourquoi la guerre? Pourquoi ce mouvement de guerre? Alors, bien sûr, il y a toujours ce moment de l'instant, de l'actualité, où on ne sait pas, tout le monde s'accuse, vous avez déclenché, mais non. Aujourd'hui, il y a le regard de l'historien, de l'historienne que vous êtes, professeur à l'université de Reims. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Avi Shlaim qui est quelqu'un qui a très spécialisé dans les rapports israélo-arabes et ces événements du Moyen-Orient qui dit que c'est la seule guerre entre les Arabes et les Israéliens qui n'a été voulue par personne. Autrement dit, il n'y a pas un agresseur très repérable dans la mesure où ces événements de juin arrivent au terme d'une montée en tension qui date au moins d'avril 1967, jour où il y a eu une bataille aérienne au-dessus du Golan entre des avions, des Mirages israéliens à l'époque, des avions français, voilà, et des MiG d'origine soviétique, syriens, à propos d'un banal petit incident, sans doute provoqué d'ailleurs par les Israéliens, autour du mitraillage depuis le Golan sur un tracteur d'un kibboutz qui était en contrebas. Et il y a eu 6 MiG syriens abattus, dont 2 dans la banlieue de Damas, qui n'est pas bon du tout pour l'image du régime, n'est-ce pas? Depuis lors, il y a une sorte de crispation, et notamment qui est due aussi à... C'est surtout les rapports avec les Syriens qui posent un problème. Et Syriens avec lesquels Nasser a conclu un pacte de militaire défensif. Nasser en Égypte. Voilà. Et du coup, si vous voulez, au fur et à mesure que les incidents se multiplient, Nasser ne veut pas la guerre. Il sait que l'armée israélienne est plus forte que toutes les armées arabes réunies, mais il ne peut pas se déjuger. Il ne peut pas perdre toute crédibilité s'il veut conduire son projet panarabe qui lui tient à cœur. Et donc, il contribue par ses discours véhéments, par des actes. Depuis mai, le 14 mai, il fait entrer des troupes égyptiennes dans le Sinaï. Il réclame 2 ou 3 jours après le départ des soldats de l'ONU qui étaient positionnés à Sharm el-Sheikh et sur le canal. Et le 22, surtout, il proclame la fermeture du détroit de Tiran. Le 22 mai. On est où, le détroit de Tiran? Le détroit de Tiran, c'est le détroit qui commande l'entrée du golfe d'Aqaba, donc du trafic vers le port d'Elat, sur la mer Rouge. Donc, les Israéliens considèrent que c'est une situation de guerre, en tout cas c'est un casus belli, comme on dit. Et alors à ce moment-là, bon, ils discutent beaucoup entre eux, ils sont très divisés encore, comme d'habitude. Ils vont consulter, Abba Eban, leur ministre des Affaires étrangères, va consulter les alliés. Alors nous, Français, nous connaissons l'entrevue avec De Gaulle, mais en fait, Avi Shlaim, cet historien dont je citais tout à l'heure, ne l'en parle même pas dans ses analyses. Il parle de l'entretien qu'a eu Abba Eban avec Lyndon Johnson, le président des États-Unis, qui en fait lui disent « Mon bon, calmez-vous, surtout n'attaquez pas les premiers. » D'ailleurs, Lyndon Johnson lui dit « Mes services de renseignement me disent que de toute façon, ils vont pas attaquer et que de toute façon, vous ne serez pas vaincus si vous étiez attaqués. » Donc Abba Eban rentre avec cela. Dispute de plus en plus évidente dans l'équipe secrète, bien entendu, dans l'équipe gouvernementale. Et finalement, le 3 juin, c'est une équipe d'unité nationale, un gouvernement d'unité nationale, qui décide de frapper. de frapper les premiers. Sur le plan militaire, ils considèrent qu'ils ont été agressés, hein, n'est-ce pas ? Donc c'est là toute l'ambiguïté. Et c'est dans ces circonstances-là que le 5, il y a le bombardement dont le sujet parlait tout à l'heure. Oui, parce que c'est un bombardement sur pour détruire l'aviation égyptienne, pour détruire l'aviation ennemie. Mais dites donc, Alain Dickov, dans cette histoire, en fait, Jérusalem n'est pas une zone de combat en soi, dans la construction de cette stratégie. Bah, disons, ça n'est pas un enjeu au départ. Et en réalité, on sait, Catherine l'a dit très justement, c'est quelque part une guerre que personne ne voulait vraiment. Je dirais, j'ajouterais peut-être juste que Nasser, en fermant le détroit de Tyran en particulier, avait quand même commis un casus belli. Et quelque part, il devait se douter que la situation ne serait pas tenable éternellement pour les Israéliens. Ne serait-ce que pour une raison, non pas tellement d'approvisionnement des lattes, parce qu'il n'y avait pas tant de navires qui arrivaient jusque-là, mais parce que ça les obligeait à mobiliser leurs troupes pendant des semaines et des semaines, ce qui n'est pas possible, hein, parce que l'armée israélienne est une armée populaire. Elle a un secteur évidemment de militaires professionnels, mais elle dépend énormément des réservistes. Elle ne pouvait pas se permettre le luxe de mobiliser pendant des semaines des réservistes. Donc quelque part, en faisant cela, la guerre était quasiment inévitable. En réalité. Et on comprend aussi rétrospectivement que le conseil de De Gaulle à Eban de dire « n'attaquez pas les premiers », c'était un conseil qu'ils ne pouvaient pas suivre, en réalité. Mais c'est vrai que Jérusalem n'était pas un but de guerre. Et ils ont fait passer des messages au jeune roi de Jordanie, hein, donc Hussein, pour lui dire « si vous ne bougez pas, il ne se passera rien ». Sauf que pris dans l'atmosphère d'arabisme, chauffé à blanc aussi par la radio La Voix des Arabes qui était au Caire et qui en fait promettait la victoire dans les 48 heures qui allaient venir, il a commencé à bombarder en réalité, à partir de son secteur, vers Jérusalem, donc au début, à la fin de la matinée du 5 juin. À partir de ce moment-là, évidemment, les messages tacites qu'ils avaient pu faire, que les Israéliens avaient pu faire en leur disant « ben, il se passera rien », ils étaient caducs. Et donc, la guerre, à partir de ce moment-là, sur le front de Jérusalem, elle était inévitable. Donc, ils ont répondu. Et dès le 6, ils ont commencé à avancer à Jérusalem-Est. La bataille la plus importante, d'ailleurs, c'est tenue dans une colline au nom prémonitoire, hein, puisqu'elle s'appelle la colline des munitions, hein, qu'on peut visiter, d'ailleurs, si on est à Jérusalem, on voit encore les bunkers, etc. Et donc, ils ont commencé à prendre la ville, hein, et y compris la vieille ville. Et en deux jours, l'affaire était entendue. Donc, c'est en fait... Il y a eu la guerre des six jours, mais la guerre, si je puis dire, pour Jérusalem, c'est une guerre de trois jours. Ouais. 5, 6, 7, et c'est terminé. Jérusalem dans la tourmente. Avant que les armes ne se taisent, le général Dayan, ministre de la guerre, avait précisé que les objectifs de sécurité étaient atteints et rappelé ce que fut la bataille de Jérusalem. L'alerte avait été donnée dès la première heure de la bataille. Pour venir à bout de la résistance des éléments jordaniens, il faudra malheureusement livrer des combats acharnés dans la vieille ville. Après 48 heures de lutte, la ville arabe tombera. 2000 années de dispersion se trouvent miraculeusement effacées. Et le mur des lamentations, où le général Dayan et les membres du gouvernement sont venus immédiatement en pèlerinage, est devenu pour les Israéliens le mur de la joie. La phase militaire du conflit israélo-arabe est terminée. Elle aura été fulgurante. La phase diplomatique commence. Elle sera sans doute infiniment plus longue. Le 13 juin 1967, la bataille de Jérusalem dans les actualités françaises. Catherine Nico, qu'est-ce que cela change pour Jérusalem, ne serait-ce que de son statut? Parce que, nous l'avons dit, hein, Jérusalem a toujours eu un statut particulier, mais avec la guerre des six jours, eh bien, il y a la réalité qui modifie tout. Elle a un seul maître, hein, déjà. Donc, d'ailleurs, cette réalité est tout de suite proclamée, puisque dans les jours qui ont suivi la fin de cette bataille de Jérusalem, le droit israélien, la législation israélienne a été étendue à l'ensemble de la ville. Et avant la fin juin, je crois que c'est le 28, la ville a été proclamée réunifiée capitale de l'État d'Israël. Hein. Donc ça change beaucoup. Autrement dit, à partir de ce moment-là, les Israéliens vont avoir à cœur de pérenniser cette situation en notant toute chance à une internationalisation qui pourrait intervenir encore, en travaillant, j'allais dire, sur l'aménagement de la ville, en supprimant cette plaie béante de cette ligne, la ligne verte, comme on disait, la ligne de démarcation, alors par des parcs dans certains endroits, des voies qui traversent cette zone, des quartiers assez souvent luxueux, parce que on est au centre de la ville, du coup. Et ensuite, en travaillant à une échelle plus large, d'ailleurs, ils ont élargi les limites municipales de la ville de façon très sensible. Je crois que la ville fait 68 km² à partir de ce moment-là, avec une forme un peu étrange, qui consiste à annexer dans la zone de Jérusalem, si j'ose dire, les terres palestiniennes éventuelles, mais pas forcément tous les villages, voyez, pour, voilà. Et, il travaille activement à creuser la différentielle démographique entre juifs et arabes pour atteindre une proportion idéale qu'il voudrait de 3 juifs pour un arabe. Et donc, alors, cela dit, le sort de la population arabe, ils ne sont pas expulsés, ils reçoivent le statut de résident, parce que de toute façon, ils n'auraient pas accepté certainement de la nationalité israélienne, ce qui n'était pas question de leur donner. Donc, ça leur donne le droit de participer aux élections municipales. Mais bon, le sort de leur quartier dépend d'instances qui ne leur donnent pas forcément tout ce qu'ils pourraient désirer. Voilà. Alain Dickhoff, symboliquement, c'est extrêmement important. Dans le journal des actualités françaises, il était question de 2000 ans de dispersion qui prenait fin. Symboliquement, c'est très fort, 1967, la guerre des six jours, et que Israël contrôle l'ensemble de Jérusalem. Oui, alors le commentaire évidemment d'actualité est très grandiloquent, il a un côté très très grandiloquent, mais c'est sûr que ça a été un tournant. Ça a été un tournant et décisif. Autant en fait ça n'était pas un but de guerre, autant une fois que la guerre est passée et que Jérusalem est entre leurs mains, les Israéliens décident que cela doit rester ainsi ad vitam aeternam. Ouais. Donc en effet, toutes les mesures qu'ils vont prendre, l'unification juridique de la ville le 27 juin, l'annexion aussi de comme Catherine l'a dit, d'un espace beaucoup plus grand. Je rappelle donc la ville jordanienne avait 6 km² et les Israéliens vont annexer 71 km. Hein, donc ça veut dire qu'ils annexent en réalité des villages qui n'ont jamais fait partie de Jérusalem administrativement jusqu'alors. Donc ils construisent une sorte de Jérusalem métropolitaine, hein, qui est très importante en termes de surface, alors que je le rappelle, la vieille ville, donc ce qui finalement cristallise quelque part la sainteté de Jérusalem, c'est 1 km². Donc ça, c'est tout petit par rapport à l'ensemble. Mais c'est pour tenir ce kilomètre carré, il est important d'avoir tout le reste. En tous les cas, dans la vision que les Israéliens développent, et donc ce qu'ils vont faire, là aussi la planification urbaine est très très importante. Ils vont d'abord assez vite changer des choses au sein de la vieille ville, parce que la vieille ville, bon, on sait que même si c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, il y a 4 quartiers, hein, le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier arménien, le quartier juif. Le quartier juif, en fait, avait été occupé par des familles arabes après 47, puisque les juifs avaient été expulsés pendant la guerre de 47-48. Et là, évidemment, les Israéliens vont faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils vont expulser les habitants arabes et ils vont réinstaller des juifs, dont certains, en tous les cas, dont les parents avaient parfois quitté ces mêmes lieux. Et ils vont même le faire croître. Le quartier juif d'aujourd'hui est plus grand que le quartier juif qui existait en 1948. Donc ça c'est très important, parce que c'est un moyen pour eux de marquer au sein de la vieille ville la présence des juifs. Il y a évidemment l'épisode très très très connu de la création de l'esplanade devant le mur occidental, avec la destruction du quartier des Maghrébins. Mais ça c'est un élément très important symboliquement, mais qui est accompagné, alors là, d'un geste d'urbanisation beaucoup plus massif autour de Jérusalem. C'est-à-dire que ils vont développer des quartiers qui existent aujourd'hui, hein, qui sont des quartiers modernes, qui sont les quartiers. Ils vont les faire aux quatre points cardinaux en réalité. Il y aura un quartier nord, un quartier sud, un quartier est et un quartier ouest autour de finalement un peu plus loin que la vieille ville, mais bon, comme par exemple Talpiot ou bien Neve Yaakov. Et l'objectif, c'est de densifier démographiquement cette partie de la ville, pour rendre en effet le partage impossible, parce que c'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée, et puis cette analyse est très pertinente avec ces différentes échelles. Vous venez de voquer le quartier des Maghrébins au pied du mur des Lamentations, une émission y a été consacrée dans le cours de l'histoire, à écouter en ligne sur franceculture.fr ou l'appli Radio France avec Vincent Lemire. Et puis à une autre échelle, hein, l'ensemble de cette périphérie, c'est un jeu comme ça, très complexe, mais une ville est peuplée. Il y a des habitants, l'histoire est incarnée. Laissons la parole aux témoins. Vous êtes arabe aussi ? Oui, je suis arabe. Bon. Je suis de ce pays-là. Est-ce que vous allez rester ici ? Vous étiez jordanien. Bien sûr que nous sommes obligés de rester. Pourquoi ? Parce que comment laisser le pays et partir ? Où est-ce que nous voulons aller ? Nous attendons 7 minutes de rester à leur place, chacun à sa place. Qu'est-ce que vous préféreriez ? Que ça soit rester une ville arabe ou que ce soit maintenant seule ville ? C'est nous, c'est la même chose. La même chose que nous pouvons gagner le pain pour manger. C'est la même chose. Que ce soit les Juifs ou que ce soit les Arabes, c'est la même chose chez nous. Vous n'avez pas peur de rester ici ? Non, pourquoi peur ? C'est la même chose. Nous voilà, nous achetons, nous venons, partons, il n'y a rien. C'est une fois que Jérusalem sera devenue totalement israélien, vous serez israélien. Ça oui. Ça ne vous fait rien. Ça ne fait rien. La plus chose que nous cherchons, nous pouvons vivre et gagner notre pain. Voilà, en 1948, nous sommes palestiniens. On pense nous venons que les ici gens... jordaniens. C'est m'est égal pour nous. Maintenant, les gens pensent, comme ils vivaient avant, ils veulent vivre maintenant. Oui. Il n'y a rien à faire. C'est un micro-trottoir en 1967, la date est précise, c'est le 16 juin, il faut toujours préciser hein, quand ces chronologies sont très fines. Une émission sur le Moyen-Orient après le cessez-le-feu. Catherine Nicot, comment les populations sont-elles déplacées après cette guerre des six jours ? Déplacé pour Jérusalem. Alors, c'est la question, parce que on entendait ici la crainte évoquée, la peur, devoir partir, pas partir. En fait, non, la situation est figée, certains partent. Elle est figée, et les Palestiniens de Jérusalem, ils se sentent pas jordaniens, pas plus qu'israéliens, vous voyez, c'était clair. En fait, on a cette idée assez juste qu'il faut garder les positions. Parce que s'ils partent, leur maison sera réquisitionnée. Après tout, il y a des précédents depuis 48, hein, pour les autres Palestiniens des autres régions. Leurs terres, éventuellement, seront annexées carrément, enfin réquisitionnées, si vous voulez. Et donc, il y a cette idée. Et puis peut-être aussi, derrière, il y a aussi l'idée que la population arabe se reproduit davantage, que la bataille des berceaux, ils pourraient peut-être la gagner. Hein. En tout cas, il faut s'accrocher. C'est plutôt ça le ton de ce qui se passe, enfin dans la tête des gens. Hein. La seule population déplacée est celle du quartier des Maghrébins, voilà. Des Maghrébins au pied du mur. Exactement. Des Lamentations, en fait. Hein, c'est ça, c'est une situation figée. Alain Dicoff, pourtant, elle n'est pas figée, évidemment, parce que il y a toute cette politique qui se met alors en place. La ville elle-même est profondément transformée. Vous nous l'avez dit sur les populations. Les gens sont interrogés juste après la guerre, il y a des hésitations, la peur de partir, c'est ce que vous expliquiez. La ville n'est plus la même après 1967. Bah, elle va progressivement être transformée parce que Israël, via la municipalité unifiée, hein, va évidemment tout mettre en œuvre. C'est une vraie politique d'État. Hein. C'est-à-dire, c'est pas juste une politique municipale. Alors évidemment, la personnalité du maire, qui va être maire pendant plus de 20 ans, Teddy Kollek, compte beaucoup. Il va jouer un rôle très important, en particulier pour attirer des fonds de la diaspora juive, en particulier américaine, pour rénover, pour réhabiliter le quartier juif, pour développer toute sa politique, hein, et de ce point de vue-là, il sera assez efficace, hein, il faut le dire. Il avait aussi l'intention initiale, en réalité, d'intégrer des Arabes dans la municipalité, donc son but n'était pas de les exclure. Ça a un peu marché au début, mais assez vite, ça a capoté. Les politiciens arabes n'ont pas participé aux élections, les électeurs non plus. Donc en fait, ça c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, même si le vote a un peu augmenté, mais ça reste quand même très très très marginal. Donc par refus de reconnaître d'une façon ou d'une autre l'annexion. Alors le paradoxe, c'est que évidemment cette position de principe des dirigeants arabes, on peut la comprendre, mais en même temps, ça veut dire qu'ils n'ont aucun moyen de peser sur les politiques mises en œuvre. Et les politiques mises en œuvre publiques se font quand même assez largement à leur détriment. C'est-à-dire que si vous allez encore aujourd'hui à Jérusalem-Est, vous voyez bien qu'au niveau infrastructure, l'infrastructure est de moindre qualité que ce que vous avez du côté ouest. Parce que tout simplement, les investissements sont moindres. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins importants du côté est que du côté ouest. Sauf évidemment, ça c'est important, dans les quartiers juifs qui ont été créés à l'Est. Parce que ça, il faut le dire aussi, la population juive à partir de 67, elle n'est plus uniquement à l'Ouest. Elle va être progressivement de plus en plus nombreuse aussi à l'Est, puisque l'idée c'est quand même de changer aussi le rapport démographique à l'intérieur de ce qu'était l'ancien secteur jordanien et au-delà. Et ils y parviendront dans une large mesure. Mais... Et là, il y a quand même une ironie de l'histoire. Finalement, moi, c'est ce que je dis depuis longtemps, la bataille démographique, elle est sans fin. Parce qu'en réalité, l'objectif des Israéliens, c'était en effet d'essayer de maintenir un ratio qui soit de 75% de juifs et de 25% d'arabes. Mais vous regardez les chiffres aujourd'hui, sur à peu près 960 000 habitants dans l'ensemble de l'agglomération de Jérusalem, vous avez 37% d'arabes. Donc la politique, finalement, même pourtant impulsée par l'État, elle n'arrive pas à modifier le rapport de force. En réalité, elle se fait même à leur détriment, parce que on a des chiffres assez clairs qui montrent que il y a une chose qu'on, et en particulier que du côté israélien, on évoque souvent assez peu, c'est l'émigration de juifs qui quittent Jérusalem pour aller à Tel Aviv, parce que, en particulier les juifs laïcs, parce que tout simplement la vie devient insupportable pour eux. Pas à cause du conflit avec les Arabes, mais du fait du changement de ce qui se passe dans la communauté juive, c'est-à-dire la croissance absolument colossale de la population ultra-orthodoxe. Parce que ça, c'est aussi un élément qu'il faut quand même évoquer. C'est la croissance absolument énorme de l'ultra-orthodoxie à Jérusalem. 30% des juifs de Jérusalem sont des ultra-orthodoxes aujourd'hui. Ça a énormément d'influence. Ça veut dire, en termes de chiffres absolus, 230 000 personnes tout de même. Hein. Donc, vous voyez, c'est un élément qui me paraît important aussi. Un élément essentiel, une ville toujours divisée, en fait, toujours en rupture, hein, Catherine Nicot. Oui, après 67, il y a eu quand même, on a eu le sentiment d'un certain desserrement, dans la mesure où il y a eu des circulations quand même entre les quartiers. La vieille ville était visitée et il y avait beaucoup d'employés arabes qui travaillaient à l'ouest aussi, hein. Après, ça c'est avec le terrorisme qui s'est installé, ça s'est arrêté. Une autre histoire, nous le savons bien, parce que 1967 est un moment fondamental dans l'histoire de Jérusalem. Merci à tous les deux, hein. Alain Dikov, directeur de recherche au CNRS, le conflit israélo-palestinien, ça c'est un de vos ouvrages. Merci Catherine Nicot, une histoire de Jérusalem. Merci de nous avoir donné cet éclairage sur cette année 1967. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi les lois laïques ne sont-elles pas appliquées en Alsace-Moselle ? La question de la laïcité a été au cœur des débats publics français depuis une vingtaine d'années. Présentée comme un principe universel au-dessus des conceptions politiques, philosophiques ou religieuses, on sait pourtant que la laïcité n'est pas respectée sur l'ensemble du territoire national, puisque les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'appliquent pas la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Ces territoires ayant été annexés par l'Allemagne au lendemain de la guerre de 1870 ne furent pas concernés par cette loi. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand l'Alsace-Moselle est redevenue française, la question s'est posée de savoir si la République allait leur appliquer les principes de la laïcité qui s'imposaient partout ailleurs. En 1924, le cartel des gauches ayant remporté les élections, Édouard Herriot devint président du Conseil. Lorsqu'il annonça qu'il allait mettre fin au régime spécial de l'Alsace-Moselle, conformément au programme du Parti radical dont il était le chef, il suscita un puissant mouvement de protestation qui débuta en Alsace sous l'impulsion de l'évêque de Strasbourg. Localement, la rébellion fut massivement soutenue parce que la volonté de réintégrer l'Alsace et la Moselle dans le giron de l'État unitaire républicain heurtait des intérêts qu'un demi-siècle d'annexion allemande avait consolidés. En Alsace, il existait alors un courant germanophile qui militait pour la conservation de la législation prussienne. Sans aller jusque-là, les mouvements régionalistes et autonomistes s'opposaient aux lois laïques car le Reich allemand avait mis en place un système de pouvoir décentralisé qu'il voulait conserver. Les députés de l'Union populaire républicaine, soutenus par le clergé, se mobilisèrent donc contre un projet jugé centralisateur et jacobin. La contestation s'étendit ensuite à l'ensemble du pays et prit un tour politique. Les ligues diocésaines, formées à l'appel des évêques, se regroupèrent en une fédération nationale catholique animée par le général de Castelnau, l'un des chefs de l'armée en 1418. Le 25 mars 1925, les cardinaux publièrent une déclaration incendiaire. « La société, comme l'individu, doit au vrai Dieu des adorations et un culte. » En conséquence, ajoutaient les cardinaux, « il faut déclarer sur tous les terrains, dans toutes les régions du pays, ouvertement et unanimement, la guerre au laïcisme. » Mais quand on y regarde de plus près, on constate que cette querelle religieuse fut aussi un prétexte pour défendre les intérêts des plus riches. La Fédération nationale catholique soutenait en effet les forces conservatrices qui voulaient empêcher les réformes économiques du cartel des gauches contre ce qu'on appelait à l'époque le mur de l'argent. Édouard Herriot le déplora publiquement en affirmant « les puissances cléricales se sont entendues avec les puissances capitalistes, car ce qu'elles désirent les unes et les autres, c'est abattre le cartel des gauches. » Finalement, la mobilisation du cartel des cardinaux provoqua l'éclatement du cartel des gauches, contraignant Herriot à renoncer à sa réforme, la défense de la laïcité qui avait permis le rassemblement de la gauche non communiste fut l'un des facteurs de son échec. Belle démonstration, merci Gérard Noiriel. Et maintenant dans le cours de l'histoire sur France Culture, Valérie Hanin. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. L'Histoire avec un dossier spécial consacré ce mois-ci à la fabrique des races. Valérie, vous aimez vous faire peur. Nous le savons tous, il y a des sujets qui poussent facilement à la polémique. Sauf que en histoire, avec le travail des historiens et des historiennes, c'est scientifique, il n'y a pas de polémique, il peut y avoir des échanges, du débat, mais là, le sujet est brûlant, c'est passionnant. Merci beaucoup Xavier, oui, nous faire peur avec un sujet évidemment polémique. On a vu monter le mot « racisé » et on a décidé de le prendre au mot. C'est vrai que l'idée de race nous fait horreur au fond, hein, et depuis 1945, c'est une théorie qui est hors la loi, la théorie scientifique, prétendument scientifique des races. Cependant, le racisme n'a pas disparu. Le racisme sans race, le racisme culturel, l'anonymat des réseaux sociaux laissent bien diffuser les discours de haine. Et puis, il y a les discriminations. Et puis, il y a plus récemment la montée des revendications identitaires, de ces gens qui justement revendiquent de s'appeler racisés, puisque il y a cet effet assez classique en histoire de ce qu'on aime bien appeler aujourd'hui le retournement du stigmate. Je suis fière de ce dont on m'accuse, de ce qu'on m'accuse d'être. Alors, à partir de là, à partir de ce sujet qui surgit dans l'actualité, on a décidé de faire de l'histoire. Et de l'histoire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que c'est, à quel moment s'est fabriqué cette théorie des races. Parce que, évidemment, il y a depuis l'Antiquité la manie de faire des catégories. Aristote et sa théorie des climats, les Asiatiques qui sont plus propices que d'autres à devenir des esclaves, paraît-il. Bon, alors cette théorie-là, elle est très partagée. Et au fond, ça amène certains à dire le racisme, c'est universel. Sauf que, ce qu'on essaie de démontrer dans ce dossier, avec l'aide de beaucoup d'historiens, notamment Jean-Frédéric Chaube et Sylvia Sébastiani, qui viennent de publier un beau livre sur la question, c'est qu'il se passe quelque chose dans l'Europe moderne. Avec, entre 15e et 18e siècle, La théorie, les lois de pureté de sang dans l'Espagne catholique qui assignent les juifs, qui empêchent au fond les juifs de se convertir, les ramenant à leur origine. Avec la traite atlantique qui va noircir l'esclavage, qui va faire de l'esclavage une question noire. Ibrahim Atioub nous dit « l'Afrique est devenue noire ». Et puis la théorie, évidemment, la pensée des Lumières, très paradoxalement, qui invente les droits humains, mais qui en même temps invente le naturalisme, la science naturelle des hommes, qui au fond fait des hommes une espèce comme les autres, un objet d'étude, et on va se mettre à inventer une science des races. Le 19e siècle sera le siècle de l'anthropologie, du classement, de la mesure, des crânes, etc. L'ouvrage que vous évoquez, Valérie Hanin, de Jean-Frédéric Chaube et Sylvia Sebastiani, c'est Race et histoire dans les sociétés occidentales du 15e au 18e siècle. Et cet ouvrage-là est, bon, c'est très pertinent, hein, parce que met en relation, en fait, l'ensemble de la société avec la notion de race. Vous l'avez rappelé très justement, la race est partout dans les racistes, dans les réseaux sociaux, c'est omniprésent. Le mot disparaît, mais dans les sources. Dès que l'on consulte les documents anciens, le mot race apparaît tout le temps. C'est vraiment cette histoire qu'il faut démêler, mais avec cette histoire extrêmement contemporaine et régionale. C'est une histoire mondiale de la race. Oui, c'est une histoire mondiale, mais avec ce racisme diffus, ce racisme culturel qui est largement partagé, et puis cette façon de transformer le racisme en science, en prétendue science, et ça, le 19e siècle, évidemment, s'y est employé, il se passe quelque chose, et ça va donner, ça répond à toutes les angoisses du temps sur la race pure, sur la dégénérescence, et ça va évidemment donner les génocides, la participation de la prétendue science des races au pire crime du XXe siècle. Et là, aujourd'hui, on a été déniaisé de ce point de vue, puisque l'anthropologie, au fond, a servi aussi à mettre la race hors la loi, avec Lévi-Strauss, avec Métro, race et histoire. Mais notre idée dans ce dossier, on suit Pape Ndiaye, c'est qu'il faut regarder les choses en face et que ce n'est pas en supprimant le mot qu'on va supprimer la chose. Et puis, le regard porté par les historiens, les historiennes demeure fondamental. C'est passionnant, Valérie Hanin. La fabrique des races, couleur, pureté de sang et mesure des crânes. C'est l'histoire en kiosque. Merci beaucoup, Valérie. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Louise André avec à la technique Hugo Renard. Une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Vuzet, Jeanne Delecroix, Valentine Lovrins, Pauline Maragou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.